potes et moi-même avions décidé de partir à la mer. C'était un jour férié, chacun ses instruments, chacun son sac à dos. Moi j'ai pris ma guitare et les chansons de Renaud. Nous sommes arrivés tous les trois à Saint-Malo. Il y avait tout un comité qui nous attendait tout là-haut. On les regardait tournoyer, d'ailleurs on trouvait ça beau. Mais ces maudites bestioles nous ont cagués sur le dos. Faire la manche dans une toute petite rue. Il y avait déjà des gars qui chantaient comme des merlus. On a gueulé plus fort que cela ne leur a pas plu. Alors on s'est fait virer à grands coups de pied dans le cul. Ensemble sur un radio, voulant profiter du temps. D'ailleurs il faisait si beau, mais un pote a tout gerbé, n'a pas su porter la houle. Il avait dû trop manger le midi de frites moules. Un peu de liberté pour écrire cette chanson. Je ne suis pas trop cassé, c'était juste pour faire le con. D'ailleurs je ne suis pas chanteur, je suis juste un rigolo. M'attends pas à la télé et pas plus à la radio. Vous avez aimé, j'ai rajouté un couplet. Je vous préviens, c'est le dernier, il n'a aucun intérêt. Comme le dit si bien ma tante, quand j'ai joué la première fois, bah tu ne chies pas la honte, racontez n'importe quoi.